إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue notre darf dans l'Irshad et la Sahih al-Intiqad du Cheikh al-Fawzan, au chapitre de l'Iman ou de Ashraf al-Sa'a, la foi en les signes du jugement dernier, et on est arrivé à l'endroit où le Cheikh explique aujourd'hui, Tulu' al-Shams min Maghribiha, c'est-à-dire le fait que le soleil va se lever par, à l'ouest, ou vers, par son coucher, va se lever par l'occident. Le chef, il commence en citant un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel Allah dit, قال الله تعالى, هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Donc ce verset-là, qu'est-ce que ça signifie en français? Ça signifie qu'attendent-ils que les anges leur viennent, ou que leur Seigneur vienne, ou que certains parmi les signes de leur Seigneur viennent. Et après Allah SWT, il dit, le jour où certains des signes de ton Seigneur viendront, eh bien, leur foi ne seront d'aucune utilité, sauf s'ils ont déjà cru auparavant, ou s'ils avaient déjà fait des bonnes choses, des bonnes œuvres dans leur foi, avant que ces signes-là se produisent. C'est-à-dire, dans ce verset-là, on va comprendre par la suite, parce qu'on va aller, le chef, il explique ce que ça signifie. C'est-à-dire, lorsque certains des signes d'Allah vont se produire, eh bien, quelqu'un pourra plus, après ce moment-là, profiter de sa foi. Il faut qu'il ait cru auparavant. Et il pourra plus non plus se repentir d'un péché qu'il fait, s'il ne s'était pas repenti de ce péché-là avant que ces signes se produisent. Donc, c'est ça que Allah SWT a dit dans ce verset-là. Et là, il dit, « Qulun taziru inna muntazirun » Il dit, « Attendez, et nous attendons. » Donc, le chef, il dit par la suite, « Qala al-Hafiz ibn Kathir fi al-Nihaya, Qala al-Bukhari inda tafsiri hadith al-Aya, Haddathana Musa ibn Ismail, Haddathana Abdul Wahid ibn Imara, Haddathana Abu Zur'a, Haddathana Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وقد أخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي انتهى. Donc le Cheikh il cite une des paroles de l'imam Ibn Kathir dans son livre Al-Nihaya, Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Il dit que l'imam al-Bukhari a dit dans son tafsir, l'imam al-Bukhari dans son livre de hadith, il y a un chapitre qui parle du tafsir du Coran. Donc dans ce chapitre-là, il a mentionné ce hadith. C'est rapporté par Abu Huraira qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'heure du jugement ne s'établira pas ou ne viendra pas tant que le soleil ne s'est pas levé de son coucher ou de l'ouest. Et lorsque les gens vont voir ça, tout le monde sur la terre vont croire. Lorsque les gens vont voir le soleil se lever par l'ouest, tous les gens vont croire lorsqu'ils vont voir ce signe-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est lorsque la foi de quelqu'un n'aura aucune utilité si elle n'avait pas cru auparavant. Donc ça veut dire que après ce signe, si les walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, donc si les gens ne croient pas avant que ce signe-là se produise, eh bien ça veut dire que leur foi n'aura aucune utilité, Allah ne va pas l'accepter de leur part. Il dit que ça a été rapporté par le reste des rapporteurs de hadith, parmi les livres de la Sunna, excepté l'imam al-Tirmidhi. Ça c'est la fin de la citation de Ibn Kathir. Après le chef il dit, « قال السفاريني, قال العلماء رحمهم الله تعالى, طلوع الشمس من مغربها ثابت بالسنة الصحيحة والأخبار الصريحة بل وبالكتاب المنزل على النبي المرسل. » Il dit que l'imam al-Safarini a dit que les savants, que Allah ait miséricorde d'eux, ont dit que le soleil, que le fait que le soleil se lèvera par l'ouest, c'est établi dans le Coran, c'est établi par la Sunna authentique. Et il dit que c'est même rapporté par Allah dans son livre, Al-Coran, et il cite le verset qu'on vient de mentionner. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. C'est dans Surah Al-An'am, le verset 158, c'est le même verset qu'on vient de mentionner tout à l'heure. C'est-à-dire que ce jour-là, le jour où certains des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala vont se produire, eh bien, la foi des gens qui n'ont pas cru auparavant n'aura aucune utilité pour eux. Ou bien il y en a ceux qui n'avaient pas déjà accumulé des bonnes œuvres à cause de leur foi. Ça ne sera pas d'aucune utilité pour eux. Et le cheikh dit, « أجمع المفسرون أو جمهورهم على أنها طلوع الشمس من مغربها. » Les savants de tafsir, ceux qui ont écrit des livres, qui c'est le Coran, ils sont tous d'accord, ou la majorité d'entre eux, que ce verset-là parle du signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire du fait que le soleil se lèvera par l'ouest. وحاصل ذلك والمقصود من الآية الكريمة أن من لم يكن إيمانه متحققا إذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفعه تجديد الإيمان ولم ينفعه فعل بر من جميع الأعمال لأنه فقد الإيمان الذي هو الأساس لما عداه من تلك الأعمال فلا ينفعه إيمانه الحادث حينئذ ولا ما صدر منه قبل ذلك من الإحسان والعمل البر من صلة الأرحام وعتق الرقاب وقر الأضياف وغير ذلك مما هو مكارم الأخلاق لأنها على غير أساس قال تعالى الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح والإيمان الحادث في ذلك الوقت ليس مقبولا. Donc le cheikh il explique, il dit qu'est-ce que signifie ce verset là? Il signifie que la personne qui n'avait pas une foi qui était claire et qui était établie lorsque le soleil va se lever par l'ouest, eh ben sa nouvelle foi, le fait qu'il renouvelle sa foi, et le fait qu'il ait une foi nouvelle en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il déclare sa foi, ça n'aura aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et le cheikh ici, pourquoi? Parce que il a perdu la foi qui est la base sur laquelle se basent toutes les autres œuvres qu'on peut faire, d'accord? Et donc sa nouvelle foi, la foi qu'il va prétendre avoir, à ce moment-là n'aura pas ne sera pas accepté, n'aura pas de valeur. Et de même que toutes les œuvres de bonnes actions que la personne peut faire lorsque cette chose-là va arriver, par exemple, le fait de garder les liens de parenté et de libérer les esclaves, ou bien d'être bon envers les invités qu'on peut avoir, et tout ce qui a rapport avec les bons comportements, le fait qu'une personne commence à faire ça après ce temps-là, eh bien, ce ne sera pas fondé sur une base qui est acceptée. Et puis, le chef, il mentionne un verset dans Sourate Ibrahim, verset 18, dans lequel Allah SWT a dit que ceux qui ont mécru en leur Seigneur, leurs œuvres seront comme de la poussière qui a été frappée violemment par le vent. Donc ça, c'est la réalité des œuvres des mécréants. Leurs œuvres sont comme de la poussière frappée par un vent violent. Donc, c'est ça. La foi qui va arriver à ce moment-là ne sera pas acceptée. Et le chef, il continue, il dit, وَقَدْ أَخْبَرَ أَوْ أَخْرَجَ وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْطَانِ وَغَيْرِهِمَا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس أمنوا واجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. Donc le chef il dit que le shaykhan c'est les deux shaykhs en arabe, al-shaykhan, eh bien c'est al-Bukhari et Muslim. Quand on dit al-shaykhan, c'est al-Bukhari et Muslim. Donc il dit que Abu Huraira a sorti le hadith dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'heure ne s'établira pas tant que le soleil ne se lève pas vers l'ouest. Et lorsque le soleil va se lever et que les gens vont le voir se lever vers l'ouest, ils vont tous croire. Et ça, c'est à ce moment-là, la foi d'une personne qui va commencer à croire à ce moment-là n'aura pas aucune utilité pour cette personne. Ensuite, il dit, قال الإمام ابن كثير رحمه الله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه من طريق عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن صفوان ابن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 أو قال 40 عاما للتوبة ثم لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. كيف تفهمي؟ C'est un hadith que l'imam Ibn Kathir, il dit que l'imam, le cheikh, il rapporte la parole de l'imam Ibn Kathir et il dit que l'imam Ibn Kathir rapporte ce hadith. Il dit, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi et authentifié par l'imam An-Nasa'i et Ibn Majah, selon la narration de Asim ibn Abi Najud et Zur ibn Hubaysh, selon Safwan ibn Assal, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ouvert une porte vers l'Occident, qui a une largeur de 70, ou il a dit 40 ans. 60 ans, la largeur de cette porte est 40 ans ou 60 ans, pour la repentance. Une porte de largeur. Une largeur de 40 ans. Ou 60 ans. Pour la repentance. 40 ans. La largeur, c'est 40 ans. Mais on n'a pas dit 40 ans de course, de marche, de course ou de choses, c'est pas spécifié dans le hadith. Ouais, c'est pas. Parce que. On sait pas parce que c'est. En fait. Il parle d'une largeur. D'habitude, on ne parle pas d'une largeur en temps. On parle d'une largeur en mesure. Ouais, mais des fois, on peut parler de largeur en temps aussi. Dans le sens que si tu dis par exemple une distance, ça se prend tel temps pour la parcourir. D'accord? Donc si tu dis que cette largeur-là prend 40 ans à parcourir, donc c'est une très longue distance. C'est ça ce que ça signifie. Hein? Donc, il dit que ça c'est la largeur de la porte de la repentance. Et elle ne sera pas fermée jusqu'à ce que le soleil se lève à l'occident. Ça c'est la fin du hadith. Pas la largeur, la largeur. Non. Parce que largesse, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui fait preuve de largesse, hein, parce qu'il est généreux, il donne beaucoup, il a beaucoup de choses comme ça. Wallahu a'lam. Non, oui, c'est ok. Je suis en train de dire, une fois, lorsqu'on a parlé de dimension de brise, de brise, de la laïque avec les deux, la distance entre un oiseau qui est volé entre l'épaule et l'oreille, c'est 500 ans de vol. Alors là aussi, quand tu dis juste la distance entre l'épaule et l'oreille, c'est 500 ans de vol. On ne peut pas imaginer le reste. De son corps, ouais. C'est juste pour nous donner un exemple, de sa grandeur. Ça, c'est relatif, bah, par rapport à nous, là. Mais c'est pour nous dire que c'est très grand. L'oreille 500, ouais. C'est comme aussi notre hadith qui dit que Jibril a 600 ailes, et avec un de ces ailes-là, il couvre les cieux et la terre. Donc ça nous dit encore aussi la grandeur de Jibril. Donc c'est un des plus grands anges dans la Sainte. Donc ça c'est un autre hadith qu'il a mentionné. Puis il dit « هذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانا وتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل منه وإنما كان كذلك والله أعلم لأن ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها الدل على اقترابها ودنوها فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وقال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Donc le cheikh il continue la citation de l'imam Ibn Kathir et puis il dit voici les hadiths qui sont rapportés de façon par un grand nombre, c'est-à-dire de façon mutawatira, et le verset l'homme d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la preuve, qui sont des preuves que la personne qui aura une foi, qui déclarera sa foi à ce moment-là ou qui voudra se repentir de certains péchés à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où le soleil, après que le soleil se soit levé par l'Occident, eh bien, cette repentance ou cette foi ne sera pas acceptée. Et la raison de ça, et Allah seul sait mieux, c'est que ça fait partie des signes de l'heure. Et parmi les signes, ça fait partie des signes qui montrent et qui prouvent que l'heure est très très proche, très rapprochée. Donc, à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va agir avec les gens comme si le jugement de dernier était déjà établi. C'est ça que le cheikh explique. Et il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, qu'attendent-ils que les anges leur viennent ou que leur Seigneur leur vienne, ou bien que certains d'entre les signes de leur Seigneur leur viennent. Et le jour où certains des signes de leur Seigneur viendront, leur foi ne leur sera d'aucune utilité à ce jour-là. وقوله تعالى et un autre verset, lorsqu'ils auront vu notre rigueur, ils diront, nous croyons en notre Seigneur, lui seul, et nous rejetons tout ce que nous avions associé à lui. Mais leur foi, une fois qu'ils auront vu notre rigueur, la rigueur qu'ils auront vu la rigueur d'Allah, leur foi n'aura plus aucune utilité pour eux. Et ça, c'est la sunna d'Allah qu'il a établie pour ses serviteurs. À ce moment-là, les mécréants auront su qu'ils sont les perdants. Donc, Allah Ta'ala, et moi, bien sûr aussi, qu'attendent-ils, excepté que leur arrive subitement, alors que les signes avant-coureurs de cette heure ont déjà commencé à se produire. Alors, où pourront-ils aller, ou comment pensent-ils pouvoir se sauver, une fois que, leur appel leur sera établi? Et قال تعالى أيضا في تفسيره dans un autre le cheikh dit dans son tafsir, Ibn Kathir dit لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل, la foi de celui qui croira ce jour-là ne lui sera d'aucune utilité s'il n'avait pas cru déjà auparavant. Il dit أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة وعليه يحمل قوله تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا أي لا يقبل منه كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك انتهى كلامه. Donc le chef il dit que ce verset-là, ça signifie, on dit le verset qui dit que sa foi n'aura pas d'utilité pour lui s'il n'avait pas cru auparavant, avant cet événement-là, eh bien, ça veut dire que si le mécréant ce jour-là fait avoir une foi, ce jour-là, c'est en croire en Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça ne sera pas accepté de lui. Mais en ce qui concerne celui qui était déjà croyant, ok, et qui faisait des bonnes œuvres, et qui était bon dans ses actions, et bien lui, il est dans un grand bien. Mais, et ça c'est prouvé par beaucoup de hadiths, et c'est prouvé par le Coran et tout. Mais s'il ne faisait pas du bien, c'est-à-dire s'il était croyant, mais il faisait des péchés, et qu'il veut se repentir, et qu'il fait une repentance à ce moment-là, sa repentance ne sera pas acceptée. Comme cela a été prouvé par plusieurs hadiths, et c'est comme ça qu'on explique et qu'on comprend le verset dans la partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit aw kasabat fi imanha khayra, c'est-à-dire qui a acquis ou qui essaie de faire quelque bien à cause de sa foi. Et ce jour-là, le cheikh il dit ça ne sera pas accepté de celui-là s'il ne l'avait pas fait déjà auparavant, avant que le soleil se lève à l'ouest. Et ça c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Kathir. Par la suite il dit قال البغوي, l'imam البغوي il dit يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل, il dit dans son tafsir cet imam أي لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان أو كسبت في إيمانها خيرا يريد لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق, انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que ce verset-là, c'est-à-dire le verset dans lequel Allah a expliqué que sa foi ne sera d'aucune utilité s'il n'avait pas cru auparavant, ça signifie que lorsque ce signe-là apparaît, la foi ne sera pas d'aucune utilité pour eux, parce que c'est un signe qui les oblige à croire. Donc, quelqu'un n'aura pas le choix, après avoir vu ça, qu'il n'aura pas d'autre choix que de croire en Allah. Hein? C'est quelque chose qui va être trop stupéfiant, trop choquant, l'humanité n'aura pas d'autre choix excepté que de croire en, en leur créateur. Et puis, même moi, j'en ai juste en effet de s'imaginer la situation. Ça prend pas grand chose de pas pour faire réaliser à des gens quelque chose. Imaginez juste une bombe nucléaire qui tombe quelque part. Et ça suffit parfois même pour faire réaliser aux gens, juste à ce moment-là, qu'ils savent qu'ils vont mourir, qu'ils doivent croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ou quand il y a un grand cataclysme, ou quelque chose vraiment grand là, qui se produit, souvent des gens commencent à tout d'un coup se mettre à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent à tous leur vie. Voilà. Et c'est comme Pharaon, subhanallah, il a refusé de croire en Allah subhanahu wa ta'ala pendant tout le temps de sa vie. Et lorsqu'il a poursuivi Moïse, il a poursuivi Moussa jusqu'à dans la mer, et il a vu la mer se fendre en deux devant lui, et il a quand même persisté à vouloir poursuivre Moïse, Moussa et son père. Et subhanallah, la mer s'est refermée sur lui, et c'est là, à ce moment-là, qu'il a dit qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté sa foi de lui. Quelque chose comme ça, oui. Moi, je pense qu'il est arrivé quelque chose parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé par la suite. Il n'a pas péri dans la mer avec les autres. Il l'a préservé. Puis, un exemple pour les gens qui viennent après. Allions, manum al-jika, bi-badanika. لتكون لمن خلفك آية فسيرنا سبع الأعراف لذلك نحن نتصوفون على التنقر وكي تسوى نسكن في السوء كي جينا أكثر موريس بكاي فسيرنا سبع سيانسفين فرنسي كي يكون رسال الإسلام كي يكون son livre sur la Bible Coran la science mais dans son livre il y a beaucoup de choses qui sont pas il y a une livre sont contraires au Coran et à la Sunna et tout. Puis même, j'ai entendu une fois dernièrement le chef Al-Fawzan qu'on lui a demandé au sujet du signe scientifique. Est-ce qu'on doit interpréter le Coran par ces théories scientifiques-là? Mais le chef Al-Fawzan, il a dit non, on doit jamais interpréter le Coran par ces théories scientifiques-là. Parce que quand on fait ça, on ouvre une porte pour, comme si vous mettre le Coran comme si le Coran a des doutes. Pourquoi? Parce que c'est des théories. Elles peuvent être affirmées aujourd'hui puis être démenties demain. Et donc, peut-être qu'ils interprètent le Coran selon cette théorie-là. Et puis demain, quelqu'un scientifique amène des preuves pour montrer que cette théorie était fausse. Et donc, ça impliquerait que l'interprétation du Coran serait fausse. Ou que le Coran serait faux. Donc, ce serait un blasphème et un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas retourner aux interprétations des théories scientifiques pour comprendre le Coran. Wallahu a'lam, donc c'est ce que le chef a dit. Par rapport aux théories scientifiques, ça nous a dit par exemple que le montage et l'ambition qui nous a fait passer de bouger. Mais ça, c'est scientifique. Moi, je ne sais pas si c'est des études, ça. Mais si c'est un fait, c'est une chose. Mais si c'est une théorie. Ouais, c'est ça. Des choses que. Si c'est des faits, c'est des faits. Mais si c'est juste une théorie qui n'est pas prouvée, dans ce cas-là, c'est pas. Une bonne chose d'essayer de l'interpréter le Coran par ces théories-là. Comme la théorie du Big Bang, hein, c'est essayer de prouver que le Coran supporte cette théorie-là. Ouais. وَالسَّمَا أَبَدَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَنُسِعُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que le ciel, nous l'avons créé et que nous le grandissons, on l'élargit, ouais. Donc, en se basant sur ça, ils ont dit, ah, ça c'est la preuve que de l'expansion de l'univers. Allah, subhanallah. Allah knows best. Ah, c'est bon. Ok. Non. Oui, en Amérique, tu sais. Allah Ta'ala. So, ça y est. Puis le cheikh, il continue et il dit « وَكَسَبَتْ فِي مَانِهَا خَيْرًا » ou qui aurait acquéri dans sa foi quelques biens. Et le cheikh, il dit que ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas la foi du mécréant et n'acceptera pas la repentance du pécheur. Ok, ça c'est l'interprétation de l'imam al-Barawi, ça c'est la fin de sa citation. Par la suite, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Qurtubi dans son tafsir et il dit « قال القرطبي رحمه الله في تفسيره قال العلماء إنما وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من القزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس وتفتر كل شهوة من قوى البدن فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها في أبدانهم فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي تبلغ روحه رأس حلقه وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله. Non, ça c'est une bonne explication de l'imam al-Qurtubi. Il dit que les savants ont dit. La raison pour laquelle sa foi ne sera donc une utilité pour celui qui aura cru après que le soleil se sera levé par l'ouest ou par l'occident, c'est parce que les cœurs ce jour-là seront tellement terrorisés que, avec cette terreur-là, eh ben, ça va enlever toute tentation, tout désir, toute tentation ou désir parmi les désirs de l'âme de faire un péché quelconque. Et ça enlève au corps toute force qu'il pourrait posséder de vouloir commettre un péché à ce moment-là. Donc tous les êtres humains à ce moment-là vont être comme, étant donné qu'ils vont savoir que le jugement dernier est tellement proche, hein, ils vont être convaincus de ça, même ceux qui doutaient, hein, ils vont tellement être convaincus à ce moment-là que le jugement dernier est proche, donc ils vont être comme la personne que la mort, qui est proche de la mort, comme la personne qui est très très près de mourir. Hein. Lorsqu'une personne est proche de la mort, elle ne pense plus à faire des péchés, à aller suivre ses désirs. Elle pense bien à bien d'autres choses que ça. Hein. C'est comme si, par exemple, on va dire que tu es atteint d'une grave maladie et que tu vas voir le médecin et qu'il te dit qu'il te reste uniquement 2 semaines à vivre. Est-ce que tu vas penser à tout ce que tu pourrais faire comme les souffrances, c'est-à-dire aller t'amuser pendant 2 semaines? Ou bien tu vas penser à faire repentance, utiliser ce moment, ce temps-là que tu te restes pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout. Hein. Donc ça, c'est des exemples qui nous font comprendre exactement la réalité de l'état dans lequel les gens seront ce jour-là. Hein. Et le chef, il dit que... Est-ce que c'est accepté? Ça, c'est une bonne question, en fait. Exactement. Le médecin, il peut te dire qu'il te reste 2 semaines à vivre, et après tu vis plus que 2 semaines. Et il y en a même que les médecins ont dit qu'il te reste 6 mois à vivre, puis ils ont vécu encore 3, 4, 5, 10 ans encore. Donc c'est pas tout le temps vrai, parce que c'est pas les médecins qui contrôlent la vie et la mort. Sauf que, donc, est-ce que la personne de la repentance d'une personne qui s'est fait annoncer une nouvelle pareille, est-ce que c'est accepté ou non? Moi, je sais pas. Mais par contre, la personne qui est au moment de sa mort là, et qui voit, qui est presque au dernier moment là, et qui veut se repentir à ce moment là, il y a un hadith que le cheikh mentionne ici, il dit que la personne qui veut se repentir alors qu'il est à la mort, au moment de la mort, eh bien, elle ne sera pas acceptée sa repentance. La preuve de ça, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte la repentance du serviteur tant qu'il ne fait pas, ça veut dire quoi, ça veut dire, c'est pas vraiment la guérison. C'est quand avant de mourir, il y en a des enfants. Donc, le fait de brûler dans leur gorge et tout. C'est ça. Ma'alam ni gharghar. Ouais, c'est ça. Et le chef, il explique que ça, c'est lorsque l'âme atteint le bout de la gorge. Hein? Donc, l'ange est en train d'arracher l'âme, et l'âme atteint ce niveau-là dans la gorge. C'est ça dans Surat al-Qiyamah, dans le verset al-Qiyamah, la résurrection. Il y a un verset, et Allah s'arrête à dire, falawla idha balaghatul hulqum. Hein? C'est-à-dire, lorsque l'âme atteint les clavicules. Je ne me trompe pas. Wa antum hina idhin tanzurun. Donc ça, c'est le verset qui parle de lorsque les anges arrachent l'âme de la personne lorsqu'elle est en train de mourir. Donc, les anges qui arrachent les âmes. C'est ça. Donc, lorsque, à ce moment-là, c'est le moment où la personne voit sa place. Il voit sa chaise. Soit au paradis, soit en enfer. Et le chef lui dit que la personne qui voit le lever du soleil par l'ouest, eh bien, il est semblable à la personne qui est en train de mourir. C'est pour ça que le chef lui dit que ça, c'est une des raisons peut-être pourquoi Allah n'accepte plus la repentance à ce moment-là. Le chef lui dit par la suite, « Wa ala kullin, fada hadathun azim, wa hawlun mufazza, ou mufza. » يؤذن بتغيير نظام الكون وقرب قيام الساعة وفيه دليل على عظيم قدرة الله عز وجل وأن هذه الشمس مدبرة مخلوقة يعتريها الخلل بإذن الله تعالى وهذا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الصادق واليقين النافع الذي يدفع إلى العمل الصالح والاستعداد بالزاد النافع ليوم المعاد قبل فوات الفرصة ونهاية الأجل والله المستعان والحمد لله رب العالمين. Donc le chef il termine de toute façon, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est un grand événement, cet événement là. Et c'est une chose qui va arriver, qui est terrorisante. Et c'est le moment où Allah va annoncer que tout le système de cet univers-là est en train de changer. Et que l'heure du jugement est proche. Et c'est une preuve de la grande puissance d'Allah. Et que le soleil est une créature contrôlée par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable même de la faire sortir de son orbite et de la contrôler comme il veut, de faire ce qu'il veut avec. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de, le soleil peut se, se, se changer de trajectoire, etc. Après, il dit, après cela, on demande à Allah de nous donner la foi sincère et la conviction qui est bénéfique, celle qui va nous pousser à faire les bonnes œuvres et à nous préparer avec la bonne préparation bénéfique pour le jour de la résurrection, avant que cette chance nous échappe et que notre fin arrive. Et le chef dit, et Allah, c'est lui qui nous aide, et toute la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Donc ça c'est la fin de ce chapitre là. Abu Talib, de dire la ilaha illallah. Ouais, c'était pour qu'il accepte l'islam. Parce que l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, était un mouchrik. Même s'il a beaucoup aidé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a protégé contre les mouchrikines, et il l'a beaucoup aidé dans beaucoup de choses. Mais il aurait souhaité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait souhaité que son oncle accepte l'islam. Et donc, lorsqu'il allait mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa chambre avec lui, à sa présence, ainsi qu'avec beaucoup d'autres parmi les mouchriquins, comme Abu Jahl et beaucoup d'autres. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son oncle, Abu Talib, dit la ilaha illallah, c'est une parole par laquelle je vais essayer d'argumenter avec Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier pour présenter ça comme une preuve pour toi le jugement dernier pour te sauver de l'enfer. Et puis Abu Jahl était là et lui dit, est-ce que tu veux abandonner la religion de tes ancêtres, hein? Et donc Abu Talib il a dit je voudrais pas que les gens disent que j'ai abandonné la religion de mes ancêtres, et il est donc mort sur le shirk. Donc c'est ça un exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui prononce la ilaha illallah avant de mourir, et bien tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire tant qu'il n'est pas mort encore, il dit la ilaha illallah, même si c'est 10 minutes avant de mourir, ou 15 minutes, ou quelques heures avant de mourir, eh ben, inshallah, il rencontre Allah avec la foi, s'il l'a dit avec sincérité. C'est Abu Talib, c'est celui dans l'enfer qui a le plus petit châtiment. Et il a été décrit dans le hadith comme si il va avoir ses deux pieds sur des pierres qui brûlent et qui font bouillir son cerveau à cause de la chaleur des deux pierres. Et ça, c'est le plus petit châtiment de quelqu'un dans l'enfer. Donc, on peut pas imaginer celui qui a un châtiment plus grand que ça. Qu'est-ce que ça peut être? Comme ça peut être terrible. Non, on demande la protection d'Allah contre l'enfer. Ah, ça va. الله سبحانه وتعالى يقول القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وبسم الله فصل بسم الله جد جد Donc c'est ça. Allah dit qu'il est mort. Ouais. Une fois que la personne est morte, si elle est morte dans la mécréance, c'est fini. Tu peux plus demander pardon pour lui. C'est parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas le pouvoir de guider personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est seulement un guide dans le sens qu'il montre aux hommes le droit chemin. Mais c'est pour ça que Hidayah, dans la langue arabe, elle a, dans l'islam, elle a deux sortes. Hidayah tu tawfiq ou Hidayah tu irshad. Hidayah tu irshad, ça veut dire que tu montres à la personne la guidance de montrer aux gens le bon chemin. Ça, c'est tout ce que chaque musulman doit faire. Ça veut dire montrer aux hommes le bon chemin, leur clarifier. Mais dans Hidayah tu tawfiq, ça veut dire la guidance qui guide réellement, c'est-à-dire que la personne va croire et va suivre réellement la vérité. Et ça, c'est le succès hein, dans la guidance. Et ça, le succès de la guidance, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui le possède. Personne ne peut mettre la foi en quelqu'un, excepté Allah. Personne ne peut mettre quelqu'un sur le bon chemin, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le prophète sur un bon. Il montre aux hommes le vrai chemin, donc c'est dans ce sens-là qu'il guide. Mais... Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, ouais, exactement. Non, c'est vrai. Il y avait un des mushrikines lors d'une bataille. Oui, il y avait un des sahabes, oui, exactement, lors d'une bataille. Il est devenu musulman. Non, il a dit au prophète Rasoul Allah, Rasoulallah, si je deviens musulman maintenant, et si je vais combattre, et si je meurs, est-ce que je vais aller au paradis? Le prophète Rasoul a dit oui. Il avait des dates dans ses mains. Il a même pas attendu de les avoir finis, il les a jetés par terre, il est parti dans le combat jusqu'à ce qu'il meure. À cause de ça, il est entré au paradis sans avoir jamais prié, sans jamais avoir fait autre. Et ça, c'est un hadith que les gens de djihad, de taqfir, des fois, ceux qui ont exagéré dans cette voie-là, ils ont utilisé ce hadith-là pour essayer de justifier leur bid'a et leur système là qu'ils appellent aux gens, les gens à aller se faire sauter ou à aller se faire tuer là, au nom de l'islam. Et puis ce hadith en fait n'est même pas une preuve pour eux, parce que si cet homme-là était resté en vie, il aurait prié, il aurait fait le hadith, Inch'Allah, il aurait fait les gens aussi. Et ces gens-là, ils veulent dire aux musulmans ici, apprenez pas l'islam, laissez tomber toutes ces œuvres là que vous êtes en train de faire, et juste allez tout de suite sauter dans la mort, comme cette personne-là a fait. Mais ils comprennent pas que chaque moment et chaque endroit a ses règles, et que tu dois appliquer chaque chose à ses règles, donc tu dois laisser le moment lorsque c'est propice, et le moment où c'est pas propice, hein. Le djihad, non, ouais, wazir wa tu ouais, le premier c'est quoi? Ra'sul amr al-islam, wa umuduhu al-salah, wazir wa tu sanamihi, al-jihad fi sabilillah, donc c'est ça. Donc la tête de l'affaire c'est l'islam, et son pilier ou son amoud, c'est la salade. Et le top de la boîte, c'est un chameau aussi. Là, hein? Il y a beaucoup de catégories de djihad. Si on les divise toutes, là, il y en a 13 en tout. Ouais, on pense à se faire sauter alors que ça n'a rien à voir avec ça. Le djihad, c'est ça, c'est ça, c'est lui qui règle le territoire musulman, qui arrive sur place, c'est ça le djihad. Non, le djihad, on en reparlera, hein. Le djihad, ouais. Mais il n'y a pas de djihad en ce moment, donc, tout ce qui est. Bah, c'est pas ça. Ça, c'est une forme de djihad. Il y a le djihad que tu fais contre toi-même. Il y a le djihad que tu fais contre le shaytan. Le djihad que tu fais contre les kuffars et le djihad que tu fais contre les mouchriquines et les hypocrites. Les kuffars et les hypocrites. Il y a le djihad que tu fais contre toi-même, il est divisé en quatre catégories. C'est premièrement le djihad que tu fais pour apprendre ta religion. Ensuite, d'appliquer ce que tu as appris. Ensuite, une fois que tu l'as appliqué, d'appeler les gens à le suivre. Et quatrièmement, d'être patient dans cette application-là. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر et si vous avez bien vu c'est dans sur le salat c'est comme ça que ça commence l'explication et ça c'est Ibn Qayyim dans son livre Jihad al-Ma'ad il explique le jihad de cette façon là en commençant par chaque catégorie jihad al-Nafs il explique qu'il se divise aussi en deux catégories ou en trois. J'ai écrit un texte là-dessus, je vais vous copier, Inch'Allah, je vais vous l'amener. Il y a une chose, il y a une remarque. Non. Il y a une armée qui s'envahit chez toi. Est-ce que c'est pas djihad qui te parle? Oui. Il y a djihad d'af. Djihad se divise en deux catégories. Djihad d'af, c'est-à-dire djihad dans le but de se défendre. Et djihad talab. Et djihad talab, c'est là, c'est un djihad qu'on fait pour prêcher l'islam, pour ramener le message de l'islam à tous les peuples. D'accord? C'est pas applicable présentement. Jihad de défa, c'est quand un ennemi qui est en train d'avancer vers les pays musulmans et toi tu veux l'arrêter ou le repousser. Donc ça, même là il y a des conditions. Il faut qu'il y ait. Non, tu peux pas te battre n'importe qui. Et puis, Attendez. Il faut faire ce qui est le plus bénéfique pour l'islam, pour les musulmans. Et le plus bénéfique, c'est pas nécessairement de mourir. Parce que si tu parles d'une façon émotive, tu parles avec un discours émotif juste pour te pomper, là, et pomper les gens, tu vas dire oui, je veux aller mourir, la fierté, ma dignité et tout. Sauf que tu regardes qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour toi et pour les musulmans. Vous devez aller toi en fait. Et la fille a fait généraux et disait, j'ai reçu un message de Suleiman et il me dit de faire ça. Alors là, les généraux, ils ont commencé à dire, on est puissant, on fait ça et ça et ça. Alors là, elle est très intéressante, elle a dit, tu sais, quand une armée convainc ou consulte, si tu veux, une autre armée, c'est que cette armée-là, elle devient des esclaves de l'autre armée, même les généraux. On a juste posé une question. Est-ce que tu te considères comme pas égoïste? Oui. C'est la meilleure chose qu'un pas égoïste doit faire, c'est d'aller demander à des gens qui connaissent. Oui, je sais. Et pas juste ça aussi. C'est que tu as la bonne haine. D'accord? Même tu as la chercher la haine. Ça rentre dans le djihad aussi. Oui, je sais. D'accord? Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a une chose que tu dois comprendre à ce sujet-là. Tu parlais pour le fait qu'il n'y a pas un ennemi qui est. Laisse-moi t'expliquer. Qui fait vraiment toutes les malédictions, bien sûr quand on s'en fait ces musulmans, ils viennent pour se déraciner complètement. Là, ça ne vaut pas le coup de se battre, comme djihad, ou il pourrait aussi faire le da'wah sur la société. Regarde mon frère, ton opinion là, il te vient de qui? Quel alim a dit ce que tu dis? Donne-moi le nom d'un de ces ulama. Est-ce que ce sont parmi les grands ulama? Est-ce que c'est un alim salafi? Non, il peut être d'un autre pays, c'est pas grave, est-ce qu'il est salafi? D'accord. C'est pas grave la réponse, de toute façon, je sais que les ulama, je connais la position des ulama sur ça. Sur ce qui se passe en Irak, ils ont dit qu'il n'y a pas de djihad en Irak. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que, premièrement, il n'y a pas de raya. il n'y a pas d'imam. Pas d'imam. Raya, c'est le drapeau autour duquel tous les musulmans se rassemblent. Il n'y a pas d'imam. Et il n'y a pas de mukafa. C'est-à-dire, il n'y a pas une force suffisamment grande pour être capable de combattre l'ennemi. Donc, quand ces conditions-là ne sont pas là, il n'y a pas de possibilité de combattre, de faire djihad. Chaque adoration ou chose qu'on fait dans l'islam, il y a des conditions. C'est-à-dire, simplement, il faut être capable de le faire. Si tu n'as pas la capacité de le faire, ce n'est pas obligatoire. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans un premier verset. ليس على المرضى ولا على الأعمى وعليكم السلام ورحمة الله نسأل الله تعالى الله سبحانه وتعالى من يطاس سكيك من شاش كني فكرة دبوختي لسلي كي تافر لسلي كي مالا لسلي كي etc. Donc Allah il mentionne que là il y a pas de péché pour eux s'ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Allah سبحانه وتعالى par exemple quand il parle du Hajj il dit من استطاع إليه سبيلا فليس يكفر وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون وقفوهم إنهم مسؤولون Non, ça c'est des paroles, c'est bien joli, c'est bien joli ces paroles, c'est bien belles paroles, mais la réalité, c'est de voir là, qu'est-ce que tu peux faire, et qu'est-ce qui est le plus bénéfique, qu'est-ce qui est le plus grand bénéfice pour toi, en tant que dans ta religion, pour les musulmans aussi. Si tu es capable de rester en vie, et d'apprendre ta religion, et d'enseigner par la suite à des musulmans, qui vont eux par la suite enseigner à d'autres et qui vont être capables de produire des musulmans qui vont être sur la religion islamique et qui vont avoir connaissance et conviction et qui vont appeler les musulmans à ça, mais ça c'est un bien. Mais si tu veux juste sacrifier ta vie pour ton honneur, pour ta fierté, mais après que le reste ne va pas, tu ne vas pas produire rien d'autre de plus, mais c'est pas un bien pour toi, ouais. Dans ce cas-là, exactement. Donc, les ulama, ils ont dit, si l'ennemi approche et qu'on est capable de les faire reculer. Mais si, par exemple, tu sais que t'es pas capable de l'affronter l'ennemi, okay, et que l'ennemi arrive dans ton pays, qu'il a tout pris en le contrôle du pays, et là, tu vas pas commencer à faire des combats. Il est trop tard maintenant. Donc, tu as deux choix, soit que tu restes là-bas, ou que tu patientes. Oui, ou bien que tu fais le hijra vers un autre pays où tu vas être contrôlé sur un dirigeant musulman. C'est une autre possibilité. Et c'est ça que. Hein? Regarde les gens qui étaient à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, les dirigeants étaient des kuffars. Les gens tuaient les musulmans, ils torturaient les musulmans, ils ont quitté, ils sont allés dans une ville où ils pouvaient adorer Allah en paix. Alhamdulillah! Non. Et sache que. Tu me l'as envoyé aujourd'hui? Tu vas faire tout pour y aller. Mais c'est comme ça. Il y a des gens qui sont venus au Canada, ils n'avaient pas de papier. Ils sont venus parce qu'ils étaient prêts à tout. C'est comme des gens qui traversent pour aller en Europe, là, de l'Est, ils traversent le Maroc ou l'Espagne. C'est juste pour vous donner un exemple. Eux, ils ne font pas le hijra fi sabilillah. Ils ne vont pas pour le chemin d'Allah. Et c'est pour vous dire que pour la dunya, il y en a qui font plus. Et qui meurent dans cette voie. Et regardez ceux qui partent en Haïti, là, qui traversent, essayent de traverser l'océan sur des petits radeaux, là. d'Haïti pour aller en Floride. Ça, c'est fou, ça. Ils sont prêts à tout pour sortir d'Haïti. Les gens passés, ils sont « Hey, let's shoot some Mexicans. Poch! » C'est comment on peut faire des lapins, là? Subhanallah. Non. Il y avait... « لله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح وبين بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله. Ça veut dire, accroche-toi à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala et suis la guidance. Et ne suis pas la bid'a pour que tu aies le succès. Et prends ta religion du Coran et de la Sunna qui est venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tu vas être sauvé. Et tu vas avoir le sorti. C'est ça ce que ça veut dire. Alhamdulillah. Et ça continue après. Oui? Il y en a plein de livres comme ça en arabe. Toi, tu lis un peu l'arabe. Je vais te donner, Inch'Allah, tu vas comprendre. Ok, ben, on s'assoit, toi et moi, puis on le lira ensemble. À propos de ce sujet, le jihad et tout. Tu vas enlever ces choubouhats que tu as dans la tête, là. Non, je n'ai pas de choubouhats. Non? J'ai marre, parfois j'ai marre. Non, mais il ne faut pas en avoir marre. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Ça, c'est le péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Ça veut dire quoi? Et si vous êtes patient et vous êtes endurant, aucun de leurs complots ne pourront vous faire aucun mal. Mais le problème, on n'a pas de. Attends, écoute, Yahri, on n'a pas de taqwa et on n'a pas de sabr. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. On n'a pas de sabr, on n'a pas de taqwa. C'est pour ça que leur complot et leur plan là fonctionnent contre nous. Mais si on avait le taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la patience, aucun de leurs complots ne pourrait nous nuire en quoi que ce soit. Tu comprends? Parce que si tu meurs, tu vas au paradis. S'ils te tuent, tu vas au paradis. Et si tu gagnes, tu vas avoir une. Comment faire, mais je veux dire, la responsabilité que Allah a. Mohamed, toi tu es ici à Montréal, d'accord? Et tu penses à ce qui se passe par exemple à Montréal? Non, pas du tout, je viens qu'à Montréal. Bon, rien qu'à Montréal. Et des enfants. Concentre-toi, oui, c'est ça. Avec leur madhab et leur. Non. Concentre-toi sur ta situation ici. Et essaie de régler les problèmes qui te concernent dans ta vie personnelle. Et essaie de t'éloigner de ce qui est haram dans cette vie. Essaie de faire une hijra vers un endroit où tu peux adorer Allah. Ça, c'est ce qui est important. Mais de parler des grandes questions, des grandes affaires de la Ummah, l'actualité et tout ça, c'est pas ça qui va changer la réalité. Parce que le problème, la situation actuelle de la Ummah, elle n'est pas devenue comme ça du jour au lendemain. C'est pas d'hier. C'est pas de l'année passée, c'est pas de l'année du siècle passé, ou de la décennie passée. Ça fait des siècles que cette situation-là se prépare qu'on est rendu à ce stade. Parce qu'on s'est éloigné du Coran, on s'est éloigné de la Sunna. Et pour réparer tous ces problèmes-là, c'est pas de dire jihad, c'est de revenir à la religion d'Allah. Non. Non, dans le cœur. C'est ça. Juste avec chaque chose, là, c'est comme, je veux dire, il n'y a pas d'autre solution. C'est pas, dans certains cas, ça peut être une solution, mais là, c'est pas le temps maintenant de ça. C'est pas, juste à penser, par exemple. Écoutez les frères, il faut pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par 4 étapes avant d'arriver à voir l'ordre du djihad. Quand il était à la Mecque, il était interdit de se battre, de faire le djihad. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, est-ce que vous n'avez pas vu ceux à qui on a dit « Kuffu aydiakum wa aqimu salat » Hein, gardez vos mains, ne faites pas d'actes violents et tout, et établissez la prière. Parce qu'il y avait des musulmans à cette époque-là, même à la Mecque, qui disaient au prophète, « Ah, pourquoi tu ne nous permets pas pour qu'on puisse nous battre ?» À Makkah, oui, déjà, il y a des gens qui voulaient, là, déjà commencer à se défendre, là, et tout, là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah leur a révélé un verset à ces gens-là. Ils leur disent, « Non, c'est pas le temps. Si vous attaquez maintenant, c'est fini, ils vont vous éliminer complètement. Comme ils font maintenant actuellement, on a une fin de mort. Exactement. Comme ça, Abdullah ibn Saba. Exactement. Ce qui est fait par la de l'autre côté, ouais. Fait que là, l'armée, les deux sont plus. Exactement. J'ai fait le bon travail, ouais. Il a commencé le. Il a mis le pincel qui a fait partir le feu, là. Le plus grand forme de shirk, le plus grand péché. Et il y en a qui insultent Allah carrément, il insulte sa religion. En tout cas, c'est Abdelmajid al-Zindani. Je ne sais pas si vous savez qui c'est Abdelmajid al-Zindani. Abdelmajid al-Zindani, c'est un pharmacien qui vient du Yémen. D'accord? Il a fait beaucoup d'émissions ou de programmes sur les preuves scientifiques dans le Coran et tout ça. Donc lui, c'est un homme yéméniste. Actuellement, il est dans la politique. Au Yémen, il s'est lancé en politique. C'est parti des gens qui rentrent dans les groupes, les partis islamiques. Oui, c'est ça. Et puis lui, alhamdoulilah, Cheikh Moukbel ibn Hadi al-Wadi, il l'a récité dans plusieurs cassettes. Je pense que ses élèves aussi l'ont récité. Il a un livre qui parle de Tawhid, Abdelmajid al-Zindani. Et ce livre-là, il parle uniquement de Tawhid, le Tawhid des Mouchriquins, c'est-à-dire le Tawhid al-Rububiya. Celui que même les Mouchriquins, au temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, affirmaient. La ferme l'unicité, l'existence d'un Dieu qui a tout créé. Mais il n'affirme pas le tawhid des prophètes et des messagers. C'est-à-dire le tawhid, l'asma al-sifat, et le tawhid al-ibada ou al-uluhiya. Donc, ça c'est une des erreurs qui est dans son livre qui s'appelle tawhid, c'est qu'il parle juste de tawhid al-rububiya. Et également d'autres erreurs qu'il a fait, et les élèves de Elian et les étudiants ont recruté plusieurs de ces erreurs-là dans ce livre. Bon, cet homme-là, il a fait cette cassette. Je l'ai écouté avant de venir. C'est soi-disant des cris qu'on a entendus quelque part en Russie, je ne sais pas quoi. Et on a dit que ça venait de la terre. Et puis ils ont enregistré ces cris-là. puis ils ont amené ça, ils ont, en fait, ça c'est le seul dans le monde entier, mais il y a des, moi j'ai des grands points d'interrogation là, au sujet de ces cris-là, pour savoir est-ce que c'est réel. Parce que la façon que j'ai entendu ça, j'ai entendu des choses comme ça dans les films aussi, des cris comme ça, quand c'est pas des films sur les camps de concentration, puis les chambres à gaz et tout ça. On entendait les gens qui crient, là. Mais pour qui est capable de reproduire ces sons-là, ces cris-là, puis de faire produire ça, c'est, on a entendu ça dans la terre. Je doute de l'authenticité de ces informations-là. Mais en tout cas, moi, quand on en a parlé, là, je pense que c'est bizarre. Non, c'est douteux. Allah est sinon spécifique. Ouais, c'est ça, on dirait que c'est ça qu'ils veulent dire. On dirait qu'ils veulent dire que c'est des gens qui sont dans leur tombe, qui sont en train d'être châtiés ou quelque chose comme ça. L'autre matin, non, c'est pas comme ça. Je m'en viens chez nous à faire une petite chose. Je me suis comme si quelqu'un était en train de se faire piquer par un couteau, là. Il est en train de faire. C'est quoi ça? Là, j'ai regardé. Là, je pensais que quelqu'un se faisait battre ou quelque chose. Et puis, j'ai continué à marcher parce que je n'ai rien vu. C'est quelqu'un qui se fait tuer ou quelque chose. C'est une grande rouleur, là, il ne s'est rien fait. Et après ça, je me suis dit. Des fois on entend des chrétiens là-haut. Mais par contre, pour qu'est-ce que la cassette, on entendait dans la cassette, qu'est-ce que ça m'a fait penser moi? Ça me fait penser beaucoup à, je sais pas si vous avez entendu des fois dans une, soit une piscine intérieure ou une arena. On entend beaucoup de cris, des gens qui crient. Ben, ça me faisait penser à cette même masse là déjà, mais Azindani, il me dit dans la cassette que c'était, il y avait des millions de personnes. Et moi, mais quand j'entends la cassette, il y a moi, moi, non, moi, j'entends, c'est comme si un aréna ou une piscine, un endroit où il y a beaucoup d'écho, un endroit où il y a beaucoup d'écho, puis il y a des gens qui sont rassemblés, puis qui crient en même temps. Et on dirait que c'est des gens qui ont peur, qui crient parce qu'ils veulent sortir de quelque part, ou qu'ils sont en train d'être, parce que quelque chose comme ça, donc ça me fait penser. Quand tu dis Russie, ouais, il y a des gens de concentration. Moi, j'ai eu un événement en Russie, un théâtre bientôt qui s'est enfermé des mondes, 300 personnes dans un théâtre. C'est des gens qui se sont sautés. Ouais. Des gens là, ils ont eu ça là-bas, des gens qui criaient, celui qui avait peur. C'est peut-être. Moi, j'ai une ancienne commande en haut, qui est là, peut-être qu'ils ont, peut-être que... Oui, c'est ça, l'être humain ne peut pas entendre les cris des morts. Oui, les animaux, oui. Donc, moi, ça m'a... Mais vraiment, je n'ai pas cru vraiment sur la terre, là. On va voir.